on a tous les frères qui écrivent en PV. Simplement, je dois y aller. Inch'Allah, quand je vois quelqu'un à poser une question ou quoi, je vais le faire entrer dans mes contacts. Et la prochaine fois, j'essaierai d'y répondre. Inch'Allah, ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah.